Body count est 4-0. Les joineurs ont pas ton gland. Homme de valeur exigeant. Toutes des salopes sauf maman. Et Thaïs évidemment. Dante's, Dante's. Tu seras un chanois de pélo. Dante's, Dante's. Raboule les 300 euros. Dante's, Dante's. Bébagé, Kouka, banquier. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Adolf Hitler. Les boucacs en PLS. Pour Thaïs, France se redresse. Pikmi va faire la vaisselle. Donc un chien et ferme ta gueule. Femme de valeur ne boit pas. Ne baisse pas, ne se broque pas. Body count égale néant. Sauf papa, évidemment. Dante's, Dante's. Tu seras un chadouet PO. Dante's, Dante's. Raboule les 300 euros. Dante's, Dante's. Paypal, chèque ou cœur bancaire. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Adolf Hitler. Jeux vidéo, raboule les 300 euros. Ta femme de valeur t'attend pour payer le restaurant. Quand il mettra ton pénis, oui.